montagne rouge ou noire, montagne de sueur et de souffrance, montagne gênante ou sacrée, mais surtout montagne de mémoire. Les crassiers sont l'empreinte indélébile d'un passé qui fige la mine dans le temps. Les crassiers, ou terrils stéphanois, sont bien là. Ils forment notre paysage et sont l'âme de ce qui a fondé notre territoire. Les jumeaux de Michon, plus connus sous le nom des mamelles de Saint-Étienne, le fait, l'épars, mais aussi Saint-Pierre. Saint-Étienne compte 5 crassiers qui imposent une indéniable force plastique, un surgissement qui crée toujours l'étonnement. Montagne Noire, bastion de Saint-Étienne. Les crassiers sont de véritables monuments qui s'élèvent au rythme des efforts des mineurs. Durant la période d'exploitation, l'aspect nourricier et fondateur de la mine était incontestable. Montagne de sueur, ils indiquaient l'activité et symbolisaient la prospérité. Paradoxalement, le noir apparaissait alors comme un signe de vie.